seduce. Les étoiles comme des yeux scintillants protègent ma course en douce. Je cours sans espoir de retour. Les rues sans fin s'enchaînent, rien ne freine. Mais s'il faut rentrer, alors je préfère la scène. Je préfère éviter une scène. Aller tout bas dans tes bras, tout grimper dans ta tour de Babel, pour rejoindre mon roi, oublier ce monde en bas. Mais il faut rentrer, quitte à suivre la scène. Se quitter, et même s'il faut rentrer, moi je préfère la scène. Il nous faut s'éviter une scène. Yeah.